de vous, des hommes sont les mers, elles vont devant vous, comme clarté des cieux. Ô mer, ne devez-vous point être sur terre, alors ayez pitié des mêmes beaux messieurs. Que vos nuages ne tuent pas les âmes. Un enfant de 7 ans court dans les pâturages et par-dessus les bois vogue son cerf-volant. N'avez-vous point connu ces jeux du premier âge? Alors ayez pitié, beaux messieurs des enfants. Que vos nuages ne tuent pas les âmes. En peignant ses cheveux, la jeune fiancée au fond de son miroir cherche un visage doux. Ne vous a-t-on cherché de même un jour passé? Alors ayez pitié, beaux messieurs des époux. Que vos nuages ne tuent pas les âmes. Lorsqu'on vieillit et que la vie atteint sa grève, l'on doit toujours penser aux souvenirs heureux. Vous aussi vieillissez, votre époque s'achève, alors mes beaux messieurs, ayez pitié des vieux. Que vos nuages ne tuent pas les âmes.